La cérémonie d'inauguration de la crèche et de l'école maternelle pour orphelins de Sinijou de la province du Pyongan du Nord a eu lieu le 30 avril en présence des cadres de la province et de la ville, des orphelins, du personnel, des bâtisseurs et des travailleurs. L'orateur a dit que les asiles d'enfants de Sinijou ont réuni toutes les conditions et l'environnement nécessaires à l'éducation et à la nourriture des enfants et que c'est une nouvelle fière création montrant la supériorité de notre socialisme que le capitalisme ne peut inventer ni imiter. Au terme de l'inauguration, les orphelins ont fleuri les tableaux de peinture des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il dans les halls centraux.